À 6h56, Blockbuster, Frédéric Sigrist. Oh, bah, vous n'avez pas l'air de bonne humeur, Frédéric. Vous savez, Laetitia, s'il y a une chose que je déteste à Noël, enfin, que je veux dire que je déteste encore plus que Noël, parce qu'il faut arrêter avec cette légende urbaine que Noël c'est bien, 13 années de ta vie, après ça se complique. Hein, parce que saviez-vous que 46% des mariages se terminent par un divorce en France ? Donc Noël, avec les familles recomposées, c'est une tannée. Voilà le genre de conversation que l'on a en 2022 à l'approche de Noël. Le 22, on le passe chez ta mère, le 24 chez ton père, le 26 chez ma mère. Pourquoi le 26 ? Parce que si on reste qu'un jour chez ton père, il va encore dire qu'il y en a pour ta mère. Hein, le 28, on va chez mon père, mais chez lui, on reste qu'un jour, déjà parce que je travaille, et surtout, on reste deux jours. Et si on reste deux jours, il va vouloir qu'on reste au Nouvel An. Et là, c'est ma mère qui va gueuler, vu qu'on lui a dit cette année qu'on faisait rien. Et puis chez ta mère, surtout, on parle pas politique. Chez ton père, on parle pas de foot. Chez ma mère, faut pas parler corrida. Et chez mon père, faut pas parler de la chasse. Et faut surtout pas confondre, parce qu'une erreur d'aiguillage, c'est la catastrophe. Donc non, Noël, Laetitia, c'est pas bien. C'est stressant. Mais ce que je déteste plus encore que Noël, Laetitia, c'est les classements des films ou séries de fin d'année. À chaque fois que je vois ça, je me dis, mais quelle rubrique de feignant ! Et donc, vous nous avez préparé quoi pour cette chronique ? Un classement de mes blockbusters de l'année. Je vous l'ai dit, c'est une rubrique de feignant. On est le 23, j'ai plein de trucs à gérer. Le Père Noël, il s'y est pris à la dernière minute. Il a laissé plein de cadeaux dans des points dépôt qui sont à perpète de chez moi, avec des avis de passage absents. Parce que Monsieur Père Noël, il s'est passé par une cheminée, mais vraisemblablement, il s'est pas appuyé sur une putain de sonnette ! Bref. Pour moi, le film blockbuster de l'année, en toute subjectivité bien entendu, c'est Triple R, le film indien de S.S. Rajamouli. Alors j'aurais pu parler d'Avatar 2, d'Alerte Rouge, de Top Gun Maverick ou Everything Everywhere All at Once, qui m'ont beaucoup plu pour différentes raisons, mais le film qui m'a laissé parlement, c'est définitivement Triple R. Oui, j'ai dit parlement. Parce que depuis que je vois à quel point Elisabeth Borne abuse du 49.3, j'utilise le mot parlement comme un synonyme de sans voix. Par exemple, quand j'écoute Carla Bruni, j'ai l'impression d'entendre le parlement. Vous comprenez l'idée ? Oui, je sais, c'est gratuit. Triple R, c'est le film qui m'a le plus enthousiasmé dans une salle de cinéma. Des Indiens, avatars de demi-dieux, qui font des battles de danse contre des colons anglais. C'est d'une générosité. On dirait Clément Pétrault quand il nous invite au petit déjeuner après le 5-7. Ma série blockbuster de l'année, c'est Roulement de tambour. Je fais super bien le roulement de tambour. Arcane, le splendide dessin animé se déroulant dans l'univers de League of Legends des studios Fortiche. Alors j'ai hésité avec Le Classement des Rois, un dessin animé visible sur la plateforme Crunchyroll, dessin animé dont je n'ai pas parlé dans le 5-7 faute de temps, mais qui se doit d'être vu. Faussement enfantin, dans la forme on dirait un livre d'enfant qu'on anime, c'est surtout une histoire très sombre d'un père qui vampirise les générations futures pour sa propre gloire. C'est pas un biopic sur la famille Le Pen, attention. Hein. Si le réveillon ne se passe pas comme vous le souhaitez, vous vous esquivez avec les enfants et Zou, tranquille peinard, Le Classement des Rois sur Crunchyroll. Enfin, la BD blockbuster de l'année pour moi, j'ai hésité Laetitia, mais c'est évidemment celle qui m'a le plus touché de poésie, de sensibilité et d'humour, c'est Vernon Subutex du dessinateur Luz et Virginie Despentes. Ce moment où la bande dessinée transcende son matériau d'origine. Un livre, une bande dessinée qui donne envie d'abandonner son téléphone portable, de partir danser dans la pampa avec un groupe de potes et d'éviter ainsi les invitations nombreuses à venir passer Noël. Et j'achète. Merci Frédéric Sigrist pour votre classement blockbuster.